Extrait d'un article de Jaucourt, Rouge. L'usage du rouge a passé en France avec les Italiens sous le règne de Catherine de Médicis. On employait le rouge d'Espagne, dont voici la préparation. On lave plusieurs fois dans l'eau claire les étamines jaunes du cartame ou safran bâtard, jusqu'à ce qu'elles ne donnent plus la couleur jaune. Alors, on y mêle des cendres gravelées, entre parenthèses, faites avec de la lie de vin qu'on brûle. Et on y verse de l'eau chaude. On remue bien le tout. Ensuite, on laisse reposer pendant très peu de temps la liqueur rouge. Les parties les plus grossières étant déposées au fond du récipient, on la verse peu à peu dans un autre récipient sans verser la lie et on la met pendant quelques jours à l'écart. La lie plus fine d'un rouge foncé et fort brillante se sépare peu à peu de la liqueur et va au fond du récipient. On verse la liqueur dans d'autres récipients et lorsque la lie qui reste dans ces récipients, après en avoir versé l'eau, est parfaitement sèche, on la frotte avec une cuillère, une fourchette à deux dents. De cette manière, on la rend plus compacte afin que le vent ne la dissipe point lorsqu'elle est en fine poussière. Est-ce pour réparer les injures du temps, rétablir sur le visage une beauté chancelante et se flatter de redescendre jusqu'à la jeunesse que nos dames mettent du rouge flamboyant? Est-ce dans l'espoir de mieux séduire qu'elles emploient cet artifice que la nature désavoue? Il me semble que ce n'est pas un moyen propre à flatter les yeux que d'arborer un vermillon terrible parce qu'on ne flatte point un organe en le déchirant. Mais qu'il est difficile de s'affranchir de la tyrannie de la mode.